Bonjour et nous, merci d'être fidèle à l'histoire en podcast sur la grandeur et la décadence des Mérovingiens. Nous avons parlé de la reine Berthilde, maintenant nous allons parler de son mari, Clovis II. Clovis II, fils de Dagobert, deuxième fils de Dagobert. Alors, en comparaison avec Berthilde, personnalité rayonnante et d'une grande influence, Clovis II semble un roi terne et sans relief. Ce jugement est un peu expéditif. Il est officiellement le premier mérovingien monogame. On ne lui connaît pas de concubine. Étrangement, les historiens retiennent Clotaire II comme le premier mérovingien monogame. Or, on sait que sa conception de la monogamie ressemble plutôt au tuilage entre concubine et femme légitime. Peu avant que sa femme ne meure, Clotaire II commence une relation avec une concubine, etc. etc. Enfin, donc Clotaire II n'est pas vraiment un exemple de monogamie. Clovis II a le mérite, lui, d'épouser non seulement une seule femme, de ne pas la tromper, et en plus d'épouser une femme tout à fait capable. Il est, quant à lui, très pieux, au point de se mettre à dos les moines de Saint-Denis, ce qui est fort, qui ont la mémoire courte, car ils retirent en fait leur toiture d'argent que Dagobert leur avait donnée en cadeau pour la faire fondre, en faire des pièces de monnaie et acheter de la nourriture pour la population qui meurt de faim alors que le royaume franc est frappé par la famine en 653. Quant au chroniqueur du frais des guerres, qui était plutôt proche des intérêts carolingiens, eh bien, il résume le règne de Clovis II sous une forme lapidaire, mais pour en dire plutôt du bien. Le royaume est en paix. En réalité, le royaume est non seulement en paix, mais son royaume correspond à une floraison de grands hommes d'église. Éloi, devenu évêque de Noyon en 639, ne cesse d'évangéliser la Flandre, son œuvre, et va jusque dans le pays de Frise, chez les Frisons. Ouin, évêque de Rouen, ne cesse, lui, d'évangéliser la Normandie, en proie à des attaques barbares, et il agit de concert dans cette entreprise très ambitieuse avec Philibert, le fameux père abbé de l'abbaye de Jumièges, cette ville-monastère peuplée de 900 moines, dont la plupart sont des esclaves rachetés formés au séminaire. Parmi eux, un Irlandais, Sidoine, captif de pirates saxons, racheté par l'abbaye, est envoyé dans la vallée de la Varenne, une petite rivière à 30 km au nord de Rouen, pour y prêcher l'évangile. Il construira un petit oratoire sur une colline à côté d'un fortin en bois où se trouve une garnison. Là, il se fera enterrer, puis après sa canonisation, ses restes seront transférés à Rouen pour être, longtemps plus tard, donnés en cadeau à la paroisse de Saint-Saëns. Les reliques du saint, dont le crâne a été volé, sont encore visibles dans le maître-autel. Donc, nous parlions du saint de Saint-Saëns, qui est en fait un moine de l'abbaye de Jumièges. Si Clovis II n'est pas un roi fainéant, parce que la question c'est de savoir quand est-ce qu'on bascule dans la fameuse lignée des rois fainéants, eh bien Clovis II ne fait pas partie des rois fainéants. Il n'en reste pas moins que la postérité n'a pas été tendre avec lui. À commencer par les moines de Saint-Denis, qui ne reviennent pas d'avoir été dépossédés de leur toiture en argent, oubliant le privilège de juridiction qu'il leur a accordé, et qui vont jusqu'à prétendre, donc c'est un moine anonyme qui l'écrit dans la Gesta d'Agoberti, une chronique tout à fait biaisée, pour prouver en réalité que Saint-Denis mérite tous les dons royaux qu'elle a reçus depuis sa fondation. Eh bien, ce moine anonyme prétend que Clovis II serait mort 7 ans après avoir commis un épouvantable sacrilège. Profondément dévoué à la personnalité de Saint-Denis, le roi aurait voulu s'approprier le bras du martyr au point de casser le bras du martyr. Et la chasse en or qu'il fait faire pour se faire pardonner de son impère n'aurait pas retenu le bras de la justice divine. Il serait mort d'une crise de folie en entrant dans la basilique, donc 7 ans, chiffre lourd de symboles, après les faits. Il semble plutôt que Clovis II ait souffert d'épilepsie depuis sa jeunesse. Cette terrible maladie peut entraîner une forme d'arriération mentale ou de lenteur qui prend l'apparence de l'imbécilité. Les crises peuvent aussi entraîner une fatigue chronique, sans oublier la peur de la rechute qui hante le malade. Sur le conseil de ses médecins, conseil de bon sens, il aurait d'ailleurs renoncé à se déplacer à cheval pour préférer la litière tirée par des bœufs. Malheureusement, cette image est récupérée ensuite par les historiens du XIXe siècle qui en font l'image emblématique illustrant les rois fainéants. Clovis II ne sera pas pour ses contemporains un roi fainéant, mais aura comme surnom le roi paresseux. Merci. Nous allons un petit peu continuer. Le temps n'étant pas arrivé jusqu'au bout. Donc, Clovis II meurt en 657. Il transfère la régence à sa femme Berthilde, à qui il donne son anneau sigillaire. Berthilde, elle, est secondée par le vieux Archambault. Archambault, malheureusement, meurt en 658 et il est remplacé par son fils Landésus pour la mairie du palais de Neustrie et de Bourgogne. Mais par un concours de circonstances que le croisement des données n'arrive pas à éclaircir, les grands du royaume de Neustrie et de Bourgogne lui préfèrent Ébroïne, un apparatchik. Un apparatchik, c'est-à-dire un homme du palais. Le chroniqueur du Frédéguerre prétend que c'est parce que les Neustriens et les Bourguignons auraient senti le vent tourner en faveur des intérêts austrasiens, et par conséquent pépinides, et qu'il se serait donc choisi un maire du palais profondément anti-austrasien. On voit d'ailleurs, finalement, le royaume de Neustrie et de Bourgogne se dresser contre ce fameux royaume d'Austrasie qui ne cesse de monter en puissance. Merci et à bientôt.